hamster. C'est shooté par Mimi dans la cage d'escalier. Putain, comme il a morflé. Mon pauvre hamster s'est fait péter le nez. Shooté par Mimi dans la cage d'escalier. Putain, Mimi, tu vas payer. Je l'ai emmené à l'hôpital, la tête marquée par le mal. Souffrance, son corps moisissait et ça commençait à sentir le ronce. Mémé, tu vas connaître ma vengeance, mon pauvre hamster.